en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch encore roulé. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, si on mettait nos vies sur pause un instant. Plus de messages et plus d'images. Rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles. Qu'on éteignait tous les mobiles. Et si on pouvait danser comme la première. Surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie. Avec Clo-Clo. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline. Ma Gabrielle et ma Sarah. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo, vous êtes sur le 107FM, merci d'être à l'écoute, vous nous suivez sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Plus de 350 personnes ont vu la publication pour cette émission. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, bonjour la Belgique et la Suisse. Nous sommes jeudi 17 mai, vous êtes avec Gilou, je vous accompagne en musique et en direct dans les années bonheur. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Bonjour la technique, donc bonjour Marc. Ça va bien, ça va bien. Ah pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de mal. J'ai juste oublié de pousser le bouton. D'accord. Bonjour Gilou. Bonjour Marc. Alors voilà, pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir dans quelques instants une artiste, Martine Weber, auteur, compositeur, interprète, sosie officielle de Michel Thor et de Véronique Sanson. Nous n'aurons pas une voix aujourd'hui, mais trois voix cet après-midi. Je suis gâté. Avant de rejoindre Martine par téléphone, je fais un coucou au fan club des années bonheur. Plusieurs personnes ont rejoint depuis ces dernières semaines. Et je voulais saluer Nadine Maria, qui nous écoute depuis l'Italie, je crois. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio, ainsi que sur notre page officielle Gilles Mougel. Je transmettrai en direct à l'antenne notre invité, que je retrouve maintenant. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Ça va bien ? Mais écoute, moi je vais très bien. D'accord, très bien. Ah ben c'est formidable. Donc, tu es de la région de Picardie, Martine, c'est bien ça ? Oui, en fait je suis de l'Oise, de Compiègne, d'accord. À côté de Compiègne. Ouais. Oui. Ah ouais, ok, de l'Oise. Alors, j'ai une amie qui est dans l'Oise, que tu connais aussi, je pense, il me semble, donc Mado, qui est sur Radio Puisalène. Bien sûr, Mado, bah oui, qui ne connaît pas Mado, mais elle est adorable en plus. Ah, elle est adorable, Mado. Ouais. Alors, on lui fait un petit coucou, parce que je sais que des fois, elle suit mon émission. Un gros bisou. Mais un gros bisou, Mado. Je lui en envoie par Facebook. Hein. D'accord. Et puis, Mado va être bientôt dans les Vosges. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc pour la semaine prochaine, j'ai un petit projet. On va faire une petite émission ensemble. Ah bah, faut me dire quand que je sois. Oui, normalement, ça serait jeudi prochain. Jeudi prochain. Bah, d'accord, donc voilà, un animateur, une animatrice, je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, je pense que le duo va être cool. Oui, on va faire sauter l'audience. Ça va être dynamique. Voilà, donc Martine, je te remercie d'être présent sur nos ondes. Bah écoutez, moi déjà, je remercie toute la radio, toute l'équipe et l'opportunité que j'ai de pouvoir m'exprimer dans votre région. D'accord, ouais, voilà, dans nos belles régions, dans notre belle région, les Vosges. Mais je suis déjà allée il y a une paire d'années. Ouais. Et je pense que je reviendrai vous voir rapidement, j'espère. Ah bah bien sûr, pourquoi pas, hein, en live. Alors tu as quel temps toi là-bas, Martine ? Très beau. Un grand soleil, là. Un peu frais quand même. Un peu de vent, oui. D'accord. Alors nous, ici, c'est plutôt mitigé. Ah, bah écoute, Alors, on a de la chance à le conserver. Mais c'est souvent que j'ai des artistes comme ça qui habitent un petit peu dans, ou dans le sud, des fois, tu vois. On est toujours ben, un beau soleil, ben oui, mais nous, dans les Vosges, c'est pas pareil. Enfin. En ce moment, c'est le nord qui a le meilleur temps, hein, quand même. Hein, oui, ouais, c'est un petit peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tour, hein. Oui, tu as raison, c'est vrai qu'on est un petit peu plus. Enfin, on était un peu plus gâtés, peut-être que le sud, les temps derniers. Enfin, bon, voilà. Hein, c'est... Mm. Voilà, Martine. Donc, alors, on va commencer, hein. Oui, par le début. Oui, il y a beaucoup de choses à raconter. Oh, oui, écoute, j'ai ta bio là. Oui. Alors on va essayer de faire hein, sur 1h30, mm-hmm. plus les chansons bien sûr qu'on va découvrir. Mm-hmm. Alors bien sûr, t'es tombée toute petite, comme je dirais, dans la marmite, avec des parents, je pense, musiciens, hein, c'est ça. Maman non, papa il jouait du sax. Mon père, du saxophone. D'accord, saxophone, et ouais. Et puis, bah, je suis une des dernières enfants d'une fratrie, on est cinq. Hein, oui. Mmh. Et bon, je suis arrivée en quatrième position parce que j'ai une sœur jumelle. Et donc, les trois premiers faisaient déjà de la musique quand nous, on est arrivés. Donc, forcément. Forcément, oui. On s'est trouvé baigné dedans. Hein. Baigné dedans, d'accord. Donc, le solfège à l'âge de 5 ans, oui. Le piano à l'âge de 10 ans. Oui. Ah, c'est. Oui. Oui, j'étais. Alors, le solfège à 5 ans, c'était ni plus ni moins que... Ça se passait à l'harmonie municipale, hein, à Pont-Sainte-Maxence, dans un sous-sol de la mairie. On apprenait à lire les notes, on apprenait à battre la mesure, à chanter les notes, à jouer un petit peu de chiffres, on appelait ça, c'était un petit pipeau. Et puis après, le piano, alors là, c'était sérieux. Hein, je suis tombée sur un professeur... Oui, il y a le piano, oui. C'était très classique, très... Ouais. Ouais, c'était pas ma tasse de thé, hein, honnêtement. C'est ça, plus le synthétiseur. Hein. Ah bah justement, c'est le synthé qui m'a permis, moi, d'évoluer vraiment, parce que le piano classique, pas trop, quoi, hein, quand même. Ouais, j'avais sûr. Du mal, hein, avec la petite baguette sur le côté. C'était... Ah, oui. Ah, c'était pas évident, hein. Non, c'est sûr, évident. c'est pas évident de jouer du piano. Non, mais c'était les méthodes qui étaient quand même un peu à l'ancienne, quoi. Hein. Ouais. Mmh. Mais c'était le petit piano avec le petit truc sur le côté, là ? Non. Alors, le piano classique, j'ai fait 5 ans, bon là c'était piano, hein, et oui. Après mon père m'a acheté un synthé, alors c'était un tout petit truc avec une boîte à rythme au départ, les premiers claviers électroniques avec des boîtes à rythme dessus, et là j'ai commencé vraiment, alors j'étais enfermée dans ma chambre des heures entières, et c'est là que j'ai vraiment fait des progrès, je vais dire franchement, parce qu'avant, j'étais pas motivée par la musique classique, pas du tout. Oui, bien sûr, ouais. Non pas que j'apprécie c'est... pas, oui. Mais pour la jouer, voilà, c'était pas mon truc, quoi. Oui, bien sûr. Mmh. Ouais, et puis donc, le chant se révèle à toi... en jouant du synthé, la chanson commence en fait, à ce moment-là. J'avais une sœur qui chante toujours d'ailleurs. Oui. Et moi, j'organisais déjà des spectacles quand j'étais gamine. Hein. J'étais faite pour la scène, hein, de toute façon, je crois que c'est en soi, hein, je crois. Oui, et puis on en reparlera plus tard. Donc je fabriquais déjà des costumes, je faisais déjà des mises en scène, et puis je faisais des spectacles, et puis je chantais, et puis je chantais dans la cour de récréation, puis après je chantais dans le sous-sol quand j'étais en secondaire, j'étais chez les bonnes sœurs, et il y avait un sous-sol qui avait une acoustique terrible. Ah, j'allais en parler. Alors, on va aller chanter au sous-sol, forcément. Forcément. Hein, ça avait une réverbe naturelle. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. Et puis voilà. Puis, bon, une fois qu'on a ça dans le sang, il n'y a rien à faire. Hein, bien sûr, oui. Bah, je crois qu'on a un petit peu tous fait ça quand on était un peu passionné de musique. Enfin, je veux dire, moi, ça m'est arrivé aussi, bon, je veux dire, d'aller dans les sous-sols. Et voilà. Où j'habitais. Et c'est vrai que, bon, on chante un petit peu comme ça, bon, voilà, pour... Avec les copains, les copines. On s'était inventé un petit groupe aussi... voilà, carrément. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Mais oui. Voilà. Puis après, ben, on grandit, on commence à faire les balles. Et puis, ah oui, les balles. Voilà, puis après, j'ai été choriste dans un premier groupe de rock qui s'appelait Sofa Chéri. Voilà. Et puis le pied est à l'étrier, c'est fini, on est parti. Tu m'as dit comment, Martine, groupe le groupe Sofa Chéri. Sofa Chéri. Alors, pas de familiarité entre nous, s'il te plaît. Ok, Aucune. Non, non, mais... Je sais pas si tu as eu l'occasion déjà d'écouter nos émissions, enfin mon émission. Non. Mais non. Bon, on essaye toujours d'apporter de la bonne humeur, voilà. Ouais, hein, c'est comme ça se passe chez nous, sur Radio Gamozo. Alors, pour info, j'ai mis un petit morceau de vidéo du groupe. On avait fait deux clips sur FR3 Picardie à l'époque. Oui. Et sur YouTube, sur Martinover, il y a la vidéo en noir et blanc. Oui. Alors, je suis une des deux choristes, il va falloir essayer de deviner. Il y a un petit morceau parce que mon mari il a essayé de sauver la cassette, mais c'était pas évident. C'est sûr, oui, bien sûr, oui, de l'époque, voilà. C'est pas évident. Mais j'irai faire un petit tour parce que tu avais indiqué l'adresse, le lien pour aller voir. Mais bon, très franchement, j'ai pas pu voir tout. Il y en a tellement. Bien sûr. Je crois qu'il faut se consacrer un après-midi pour voir tout ce que j'ai fait. Hein. Bien sûr. Alors, donc, il y a aussi l'audition chez Barclay, chez Philips. Oui. Alors ça, c'est une longue histoire, en fait, parce que je voulais vraiment me lancer dans la chanson. J'ai même participé à un concours de chant qui s'appelait Rideau, avec Jean-Pierre Foucault. Ah, Jean-Pierre Foucault, d'accord. C'était au théâtre, je ne me rappelle plus, c'était le théâtre de l'Européen, ou je ne sais plus quel théâtre, c'était à Paris. Et j'ai pas eu le rideau, parce que ceux qui chantaient mal, ils avaient le rideau. Hein. Bon, d'accord. J'ai pas eu le rideau, c'est de chance. Mais bon, il n'y avait rien à gagner, je veux dire, voilà. Après, j'ai gagné aussi un concours en première partie de Claude François. Ah oui. Un concours podium. Alors celui-là, je l'ai gagné. Ah oui, le concours podium, alors ça avait rapport avec son journal. Exactement. Donc tu as côtoyé, voilà, Claude François un petit peu. J'ai pas eu la chance, malheureusement, parce que je suis rentrée sur la scène. Oui, voilà. Je suis redescendue, j'ai rencontré, alors comment elle s'appelait, la chanteuse, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. C'était une de ses choristes, non? Non, une de ses choristes? Non, pas du tout, pas du tout. Oh, comment elle s'appelle? Ça va me revenir. C'était pas Martine, non, ça peut être Martine Clémenceau qui chantait avec lui. Non, c'est pas. Brune. Ah, zut, comment ça se fait que ça me revient pas? C'est pas grave, ça va me revenir. On retrouvera, oui. Et donc j'avais gagné le concours, et c'est vrai que j'ai eu le culot d'aller me présenter carrément dans les maisons de disques, il n'y a pas de raison. Hein. Il faut faire comme ça, je pense. J'ai fait Philips et j'ai fait Barclay. D'accord. Et Barclay, alors à l'époque, on venait avec notre partition, on est accompagné par un pianiste qui forcément nous auditionnait, et là j'avais choisi comme chanson la chanson Femme de Nicole Croisille. Ah oui. Et à la fin, il y avait des aigus terribles à monter. Ah oui, c'est sûr. Mmh. Et bon, moi, je ne savais pas que j'étais capable de les monter. Il me les a fait monter. Donc, le pianiste, c'était Monsieur Jaïs Robert. Ça m'est resté, ça me restera toute la vie. Et il m'a fait pousser les aigus de cette fameuse chanson. Et il m'a dit, bon, écoute, je te donnerai bien des cours parce que franchement, tu as un potentiel. Mais à l'époque, c'était 50 francs de l'heure. Ah oui, d'accord. Et moi, j'avais pas de rond, quoi. Je veux dire, j'étais comme bien tout le monde, oui, les jeunes. Hein. Et j'ai pas pu. C'était pas facile. Et puis, c'est resté comme ça, voilà. Voilà. Donc après, il y a un petit passage, je dirais, enfin, pas un passage à vide, mais bon, après, il y a la vie je me suis mariée jeune. Voilà, la vie qui est là. J'ai eu un bébé, un petit peu sur le tard quand même, j'ai attendu un petit peu, mais j'ai divorcé, il avait 2 ans. D'accord. Donc c'est vrai que la période de divorce, faut un petit peu réfléchir et oui, on est seul à assumer la famille. Hein, donc bien là, sûr, oui. Faut... Voilà, mais ça m'a pas empêché pendant ce temps-là de travailler pour les studios Versailles et studios Tigre Bleu. Alors j'ai commencé par les Tigre Bleu et Chauny dans l'Aisne, et après j'ai fini au studio de Versailles à Versailles. D'accord. Voilà, ils m'arrangeaient mes jours pour que ça coïncide avec mon boulot. Oui. Et j'arrivais quand même à faire choriste dans les studios, voilà. Ok, Martine. Alors, si tu veux bien, on va écouter une première chanson. Ah bah, avec plaisir. Parce que, voilà. Alors, bon, tu m'avais envoyé donc des chansons de ton album Romance. Oui, c'est le dernier ça. Du mois d'octobre, qui est sorti dernier. Au mois d'octobre. Voilà. Oui. Et puis, puis bien sûr, des MP3 avec tes interprétations de Michel Thor et de Véronique Sanson. Alors, Donc... Que ce sont des interprétations, mais en même temps, je suis sosie officielle. Sosie officielle, oui, bien sûr. Ouais, de Véronique Sanson et sosie officielle de Michel Thor. De Michel Thor, voilà. Bon, j'ai un léger don pour l'imitation, on va dire. C'est bien. Alors, donc moi, j'ai fait ma petite playlist, tu sais, comme d'habitude. Génial. Voilà, j'ai fait ma petite. Voilà. Alors, on va commencer, si tu veux bien, Martine, par écouter une chanson de ton album Romance. D'accord. Qui s'intitule J'ai besoin de toi. Alors cette chanson, je l'ai écrite oui. en pensant à mon mari. D'accord. Bah écoute, voilà. Si tu veux, Martine, on écoute et on en reparle après. Ça marche. Merci. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Comme un bateau voguant sur l'océan, nous, comme emportés par le vent, sans bruit, l'automne s'installe et reprend gentiment toutes les couleurs de nos 20 ans. Viens tout près et embrasse-moi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Blotti dans tes bras, rien n'existe plus pour moi. Comme la toute première fois, comme quand je t'aimais. Dans tes bras et ne plus penser qu'à toi. Ce que tu penses au fond de toi, mais ne parle pas. Je te connais si bien, crois-moi. Tu sais, il y a encore tant de chemin à parcourir ensemble, faire de jolis souvenirs. Viens tout près et embrasse-moi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Blotti dans tes bras, rien n'existe plus pour moi. Comme la toute première fois, comme quand je t'aimais déjà. Voilà, Martine, donc avec ce titre « J'ai besoin de toi ». Voilà, donc de tirer de l'album « Romance », dernier album. Exactement. J'aime bien exactement. Ça. Est-ce qu'on peut qualifier Martine de chanteuse romantique? Alors, j'ai plusieurs facettes. Oui, je, ouais. Le romantique, en fait, il est complètement adapté lorsque je fais des galas concernant mon sosie Michel Thor. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, complètement en parallèle et en complément. Ouais. Mais donc, je trouvais que sur cet album Romance, j'ai écouté toutes les chansons que tu m'as envoyées. Je trouve que c'est des belles chansons quand même. Je dirais oui, romantique, moi pour moi. Comme tout le monde, hein, je suis quelqu'un de sentimental. C'est bien. Comme tout le monde. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je voulais dire, quand j'écoute ta voix. Oui. Dans les titres de l'album Romance, tu me diras si je me trompe. Je sens des petites intonations de Véronique Sanson. Ben oui. Ah. Ça me colle à la peau, ça. Hein. Voilà. Il me semblait bien, je ne me suis pas trompé. Mais oui. En fait, ça fait des années qu'on me dit, Martine, tu as une intonation de voix de Véronique Sanson. Ben oui, et je l'ai encore plus cultivé maintenant, puisque je fais le sosie officiel, et c'est vrai que j'accentuais encore plus le vibrato quand j'interprète du Véronique Sanson. Et c'est vrai que, bon, moi je sais pas, je suis pas critique, hein, pour moi c'est difficile, hein, mais les gens me disent, on ferme les yeux, bon, on a plus ou moins Véronique Sanson. Et c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, et sans préfabriquer, sans me déguiser, j'ai toujours été du style pantalon de cuir, style à elle, sans le chercher, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai que sans sur une de tes photos, hein, que tu m'as envoyées, donc que j'ai mis sur la publication, donc sur comme notre radio, ouais, c'est vrai que, voilà, on a Véronique Sanson en face de nous. Ben oui, ah, c'est vrai, non, mais c'est bien. Voilà, et puis c'est, sa musique me... Moi, je suis vraiment imprégnée par sa musique. Hein. Je suis un peu rock'n'roll aussi, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Le dernier spectacle que je travaille pour Véronique Sanson, je rends hommage à Berger, à France Gall, forcément, puisque c'est la continuité de son histoire. Bien sûr. Et en même temps à Johnny Hallyday, puisque Berger a composé pour Johnny sur l'album Rock'n'Roll Attitude. C'est ça. Je suis carrément dans mon élément, quoi. Hein, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, voilà. Maintenant, quand je fais Michel Thor, je suis dans mon élément aussi. C'est curieux quand même, hein. Oui. Je suis bien aussi dans le personnage Michel Thor. Hein, oui, c'est vrai. Je te donnerai mon avis après, si tu veux. Ouais, c'est génial. Oui, d'accord. Non, mais c'est en toute... bien sûr. Non, mais c'est bien. Hein, c'est bien. Mmh. Alors, on va revenir un petit peu, Martine, donc, sur ta carrière. Donc, 93-97, les piano-bars de la région. Bah oui, comme tout le monde. Hein, comme tout le monde, ouais. Hein, bien sûr, ouais. Et puis après, ensuite, tu crées une troupe de spectacles avec des danseuses. Oui. Puissance alors, tube, je vois ça. Oui. Alors, en fait, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement folle, mais qu'est-ce que c'est? Alors, au début, tout le monde rigolait. Hein. Oh, ça fait patronage, ça fait ci, ça fait ça. Et puis moi, je suis quelqu'un de têtu. Hein, oui. Et j'aime bien avoir des objectifs. Donc, j'ai dit, non, j'irai jusqu'au bout. Puis, laissez-moi tranquille, j'irai. Bah, bien sûr. Donc, j'ai été chercher des petites jeunes filles, des novices. Et puis, on a créé les chorégraphies ensemble. J'ai fabriqué les costumes, donc je me suis mis à la couture et tout, c'est vrai que j'arrive à bricoler un peu. D'accord. Et puis, au grand désespoir de ma mère, ça c'est une parenthèse, quand j'étais petite, je lui coupais tous ses coupons de tissu, elle était désespérée, la pauvre. Ça m'est resté, hein, bon. Oui, bien sûr. Des choses comme ça qui restent gravées. Hein. Plus rien. Et donc, j'ai créé ma troupe, et puis on a commencé à aller à droite à gauche, et j'ai appelé ça la troupe Puissance Tube, parce qu'on reprenait tous les tubes qui ont marqué. Alors on faisait des chorégraphies sur Claude François, sur Born to Be Alive, sur Johnny, après on terminait avec des plumes et tout, on s'est vraiment lâché. Hein. D'accord, dis-moi, les danseuses sur Claude François, elles étaient aussi habillées que les Claudettes? Pareil, il n'y avait pas trop de olé olé, parce que c'était des petites jeunes filles, c'était pas leur métier. Bon. Donc on a créé la troupe, on a tourné quelques années comme ça. Et puis après, avec mon mari, on s'est dit, écoute, on monterait bien un cabaret. Oui. Écoute, il faut continuer dans la folie. Il hein. faut continuer, mais de toute façon, il faut se faire plaisir, de toute façon, quand on peut, il faut. Hein, c'est vrai. Oui. Hein, après, parce qu'on a des regrets après, c'est vrai, on se dit, tiens, je ferais bien ça. Puis on hésite, et puis après, on dit, tiens, non, j'aurais dû, voilà, puis il y a des regrets. Oui, hein, c'est vrai. Oui, non, mais nous, je crois que heureusement, j'ai épousé un second mari qui est aussi fou que moi. Lui il était banquier, donc ça va. Ah oui, d'accord. Comme il me dit, moi j'étais banquier, je suis devenue saltimbanque. Alors bon. Oui, d'accord. Oui, donc il participe, enfin, j'anticipe peut-être un petit peu là sur la. Mais il participe aussi, donc ton époux sur ta carrière. C'est indispensable. Bien sûr, ouais. C'est bien d'être. C'est indispensable parce que seul c'est. C'est un métier de requin aussi, hein. Bien sûr, mais c'est bien, quoi, je veux dire, de faire. faire ça à deux plutôt que... Ouais, c'est, puis c'est bien, voilà, tout à fait d'être soutenu. J'ai reçu plusieurs artistes comme ça, dont le mari, voilà, est là, ou inversement, la femme est là aussi pour aider. Bah, il y a du taf hein, quand même, hein. Bien sûr, ouais. Travail à côté, donc ouais, non, c'est important. Donc voilà, on a monté le premier cabaret, bon, il y avait 135 couverts. J'avais mon fils qui était en apprentissage de cuisine, donc qui était avec nous. Et puis voilà, on a commencé. Après, on a trouvé que c'était pas assez grand, donc on a pris beaucoup plus grand. Oui. 350 couverts. Oh là, d'accord, ça fait déjà là quand même. Oui, mais là c'était beaucoup trop grand. Hein. Oui. Donc là, c'est le cabaret, le grand cabaret, le D'Artagnan. Non, pas le D'Artagnan. Le D'Artagnan, c'était le plus grand. Le D'Artagnan, non? D'Artagnan. Ah, en fait, le premier s'appelait Mousquetaire. Alors, il faudra que tu corriges. Martine. On est pas fous, vous savez, dans notre tête. Martine, excuse-moi, mais il faudra que tu corriges sur ta bio, parce que sur ta bio, tu as mis le D'Artagnan. Le D'Artagnan. Bon, alors, j'ai raté. J'ai non, c'est pas grave. C'est le D'Artagnan. Donc, en fait, le premier, c'était l'Auberge des Mousquetaires, qui était du côté de Noyon, dans le 60. Après, on a monté le D'Artagnan, qui, lui, était sur Compiègne, même. 350 couverts, et là, bon, c'était associé avec une personne. Bon, les associations, c'est pas toujours facile. Pas toujours évident, c'est vrai. Hein et puis après, après le D'Artagnan, on a été... Alors, je suis restée un petit moment sans rien, parce que je me suis lancée là dans... Alors, j'ai fait une rencontre, en fait, au D'Artagnan. Oui. J'ai fait une rencontre parce qu'en fait, on avait organisé des concours de chant. On travaillait beaucoup avec l'Institut Charles Trenet. D'accord. Avec l'héritier direct de Charles Trenet. De Charles Trenet. Donc, on a fait un concours de chant au D'Artagnan. Il y avait même Effer Trois Picardie qui est venu. Et on a eu dans le jury un monsieur qui s'appelle Monsieur Jean Renard. Ah oui, Monsieur que Jean j'avais Renard. Rencontré lors d'un gala que j'avais fait pour... je sais plus quel... je crois que c'était avec le Lions Club, mais c'était pour une bonne cause, je sais plus ce que c'était. Oui, oui. Et j'avais même fait mécénat chirurgie cardiaque avec le professeur Leca. D'accord. J'avais fait aussi. Bon, quand on me demande en bénévole, si vraiment c'est quelque chose d'une bonne cause, voilà. Voilà, moi je suis d'accord. Là. Voilà, je suis là. Hein. Et donc ce soir-là, j'ai rencontré donc Monsieur Jean Renard. Oui, c'est un grand monsieur. Un grand monsieur Jean Renard. Alors, oui, vas-y, excuse-moi. Pour les gens qui connaissent pas. Oui. Monsieur Jean Renard a composé Que je t'aime, Laisse-moi t'aimer, La Maritza. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, Gaspard le fantôme, Dallas. Ah oui. Amour, gloire et beauté tous les matins sur France 2. Oui. Il a composé pour de nombreux artistes. Hein, mais oui. Tu viens de citer. Donc, Jill Manson aussi fait pour des exactement, chansons. Exactement. Voilà. Manson, Mike Brandt. Et Mike Brandt, voilà. Il a été producteur de Johnny. Ouais. Et puis Mike Brandt aussi. Et de Mike Brandt. Quand il est arrivé en France. Hein, exactement. Bien sûr. Exactement. Ouais. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur. Ah oui, ça c'est une belle rencontre. Mais oui, bah oui, mais ce métier-là, en fait, vous savez, les gens qui sortent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait une bonne rencontre. Oui. Mmh. Voilà. Après, quand il y a une porte qui s'ouvre et qu'elle est valable, faut savoir la prendre, quoi. Voilà, c'est tout. Mais elle s'ouvre pas toujours, hein. Mais, oui, bien sûr. Ouais. Bon. Puis une petite partie de chance aussi des fois. Faut pas rester chez soi. Voilà, non, mais c'est sûr. Hein? Ouais. Bon. Tout à fait. Donc voilà. Alors, je rencontre ce monsieur. On lui demande de venir participer dans le jury de notre concours de chant Trenet. Il dit oui. J'y croyais pas, mais il est venu. Donc il est venu au D'Artagnan. Il a dîné le soir, il était là avec son secrétaire, oui. Chauffeur. Et puis, il repère un des chanteurs et il veut en faire son rôle principal dans une future comédie musicale qu'il doit lancer, qui s'appelle Laisse-moi t'aimer. D'accord, oui, j'ai lu ça. Voilà. Alors ce spectacle-là, c'est pour faire référence à Mike Brandt. Exactement. Mais ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait pour des raisons que je ne donnerai pas, mais on était plusieurs personnes à s'associer à ce projet-là. Oui. On a travaillé un an dessus. D'ailleurs, Jean venait manger tous les jeudis soirs à la maison. Oui, oui. Hein, il venait aussi en même temps coacher le petit chanteur qui dormait à la maison et qui travaillait dans mon studio avec Jean une fois par semaine. Oui. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris sur le coaching vocal. Hein. Ça m'a servi aussi, ça. Oui, c'est sûr. Bah oui, mais moi, je bah prends oui, tout. Oui. Hein. Ah bah oui, oui, il faut... Tout est bon à apprendre. Ah bah, carrément. Tout est, c'est bon. C'était une bonne école. On apprend tout le temps, hein, tous les jours, carrément. C'est vrai, tout à fait. Voilà, et donc, on a voulu monter ce projet-là, tous ensemble, oui. Avec Jean. Bon, bien sûr, Jean en tête, hein, qui bien sûr, oui, un oui. petit peu tout ça. Qui connaissait et bien. Et puis, il y avait donc deux autres amis, qui s'appellent Francis Henriquel et... Il est de Poret. Yannick Poret. Voilà. Donc il y en a un qui devait s'occuper de la sécurité, parce que lui s'occupait de la sécurité de tous les parcs expositions à Paris, donc il savait un petit peu de quoi il parlait. Oui, Yannick, bah, lui, il était ancien de la police, donc il savait aussi comment ça fonctionnait. Et mon mari banquier, forcément, pour monter les financements. Voilà, donc voilà. Tout était un petit peu réuni. Une bonne fine équipe. Bien sûr, oui, oui, oui. Voilà. Et puis, bah, ça n'a pas abouti, parce que pour X raisons, que je ne donnerai pas. Ouais, bah, alors, il y a eu aussi un problème de droit. Hein. D'accord. Alors, moi, je ne vais pas le dire, parce que je ne sais pas, mais enfin, parce que j'ai eu l'occasion... c'est difficile des fois de dire. J'ai eu l'occasion d'avoir enfin la nièce de Maï Brandt en émission. Et je pense que c'était peut-être un refus de comment je veux dire de voilà de la famille de voilà c'est ça y a hein. eu ça voilà y a eu ça. Oui, je sais ouais, ce oui, que oui ça m'est revenu quand j'ai lu ta bio parce que oui, à ce moment-là oui elle nous avait parlé de ça et bon voilà mais sans plus hein, sans citer de nom rien du tout non. Mais je me doutais un petit peu que c'était par rapport à la famille de Maï Brandt. Alors Martine, avant qu'on continue, parce qu'il faut quand même qu'on écoute des chansons. Ouais. Alors donc cette rencontre m'a ouvert sur... j'avais demandé à Jean, je lui ai dit, écoute, t'es bien gentil, mais moi j'aimerais bien co-signer avec toi, j'aimerais bien travailler avec toi quand même. Et il m'a dit, vas-y, compose une musique et moi je te ferai les paroles. Oui. Et il a tenu parole. Et donc on a co-signé ensemble. D'accord. Voilà. C'est vrai que là, c'était une formidable rencontre. Hein. Voilà, ouais. Jean Renard, tout le monde dans le métier... Hein, bien sûr, les artistes, tout ça, tout le monde connaît Jean Renard, quoi, bien sûr. Hein. Et une belle opportunité de travailler avec ce grand monsieur, quoi. Hein. Oui, et puis des bons souvenirs, parce que tous les jeudis soirs, on travaillait un petit peu, puis on s'amusait beaucoup, hein, quand même. Hein. Bien sûr, ouais. On finissait à la pétanque billard jusqu'à des heures pas possibles. D'accord. Hein. Ouais. Bon. C'était des bons moments. Bon, Martine, alors avant de continuer, moi, tu sais ce que j'aimerais bien. Oui. Que tu m'emmènes danser ce soir. Écoute, il n'y a aucun problème, vas-y. Alors on écoute la musique, on y va. On écoute Martine, donc sosie de Michel Thor, avec ce titre-là. Merci. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce Voilà, donc emmène-moi danser ce soir. Donc avec oui, c'était bien ce slow quand même. Ah oui, c'était une belle chanson ça. Enfin, c'est une belle chanson, toujours une belle chanson, hein, écrite par François Valéry, si je ne me trompe pas. Exactement. En 1977. Oui. Oh, je suis bon, hein. Oui. Non, parce que là, j'ai un souvenir. Est-ce que tu sais qui a composé Disco Motion? Alors, Disco Motion, qui c'est qui a composé des... Alors, par contre... Ah, il n'y a pas grand monde qui le sait, parce que pendant mon spectacle, je pose des questions comme ça. Ah, d'accord, ok, oui, oui. Ah, bah oui, oui. Alors, Disco Motion, non, là, ça, j'ai... Eh ben, c'est Jérôme. Ah, oui, c'est... Ah, bah oui. Alors, je dirais que oui, ça rentre un peu, ça rentre bien dans le... Dans le style. Dans le style de ces Jérôme. Ben oui, ah, oui, d'accord. J'en profite, Martine, pour faire un petit coucou à Alain Alban. Oui. Qui est un artiste qui est le cousin de C. Jérôme. Oui. Que j'ai reçu. Ah, bon? Ah oui, qui est le cousin de C. Jérôme. D'accord. Qui fait des concerts, donc qui reprend les chansons de son cousin, quoi, de Claude, enfin de C. Jérôme, que j'ai reçu en radio il y a pas très longtemps. Tu vois, c'est ce que je dis toujours dans l'émission. Le monde est petit. On retrouve des artistes qui se connaissent et c'est formidable, quoi. Voilà. Donc voilà, donc alors on écoutera bien sûr tout à l'heure une de tes interprétations de Véronique Sanson. Mm-hmm. On va continuer un petit peu sur ta bio, sur ta carrière là, ouais. Non mais c'est bien au moins. Il y a de quoi s'occuper là. Il y a de quoi s'occuper, tout à fait. Donc on était resté avec Monsieur Jean Renard, donc qui compose. Enfin, tu travailles aussi avec lui tu co-signes une chanson avec lui, non? C'est ça? Oui, donc je co-signe une chanson avec lui. Avec lui, et voilà. Il choisit de la faire interpréter par Monsieur Valdo Chili. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui était en Belgique, malheureusement, qui a disparu il y a pas longtemps, il y a quelques années. Mais, ah oui, d'accord. Elle lui était donc attribuée et elle était sur son album. D'accord. Voilà. Ouais. Et puis derrière ça, mon mari produit Les Vagabonds. Ah, Les Vagabonds, alors. C'est une drôle d'histoire aussi, ça. Ah, ça, c'est... Ouais, Les Vagabonds, c'était bien, ça aussi. Alors, c'est pareil, je pense... Bah, je te laisse continuer, Martine, vas-y. Oui, alors donc, toujours avec Francis Henriquel, qui était l'associé de Bernard dans une boîte de production. Donc, Bernard, c'est mon mari. Oui. On rencontre donc Les Vagabonds. Et mon mari, donc, avec Francis Henriquel, produit donc Les Vagabonds. Et à l'époque où ils étaient encore avec Ted Sanders, hein, je ne parle pas de la nouvelle construction aujourd'hui, parce qu'il n'y en a plus qu'un. Hein, voilà. Tu vois, Ted Sanders, je l'ai eu aussi en fondeur. Oui, et c'est une bête de scène, lui. Hein, ah oui, c'est un tout à fait. Fou furieux. Ah oui. On avait fait une bonne émission, je me rappelle. Oui, ah c'est, oui, puis, oui. Ouais, ça déménage. Exactement. Et puis, il sort un album et tout, et puis... je dis à Bernard, attends, tu produis Les Vagabonds, tu vas me laisser quand même composer une chanson quand même. Et puis Ted, c'est quand même quelqu'un qui était assez compliqué, hein, il sait ce qu'il veut. Hein. Oui, je lui sors une chanson qui s'appelle Le Snooki. Le Snooki qui en fait créait une danse. Oui. Et c'était dans le style des années rockabilly, quoi. Oui, tout à fait, d'accord. Et il sort son CD et tout, et un jour, Bernard, il se balade en voiture et il entend le Snooki sur RTL. C'était Nagui qui l'avait passé. Donc sur la bonne, il avait choisi ma chanson. J'étais fière, hein, quand même. Bah, hein, c'est sûr, attends. Voilà. Et puis derrière ça, il préparait un album qui s'appelait Entre deux rocs et un coca. Et là, on m'a mis à contribution. Donc j'ai composé pas mal de trucs. Bon, il y en a qui l'a refusé, il y en a qui l'a accepté. Donc sur l'album, il y en a quand même 7 qui ont été acceptés. D'accord. Voilà. Et j'ai fait sur 13 titres, j'ai fait 11 arrangements. Oui. Et 7 titres en tant qu'auteur-compositeur. D'accord, voilà. C'est une belle collaboration, ça. Oui, j'ai travaillé un an dessus. Hein. Alors, il faut que je te livre un petit message. C'est Mado. Ouais, Mado. Donc, alors, elle me dit coucou, mon petit collègue. Ouais. Je t'écoute, bisous à Martine, que je connais. Ah, gros bisous à Mado. À la semaine prochaine. Alors, elle nous écoute, voilà, Mado. Bisous, Mado. Ah, à bientôt. Super. À la semaine prochaine, Mado. Oui, je l'écouterai, moi, la semaine prochaine. Oui, je pense qu'on va, on va un petit peu s'éclater tous les deux. Exactement. Voilà. Donc, le petit message. Ah oui, si je continue, je voulais faire un bisou aussi à Nikki Orlando. C'est une artiste qui est à Paris, Nikki. Oui. Et puis donc, elle m'avait mis sur une, puis la publication, et puis à Violette. Donc Violette, c'est une auditrice fidèle de la région Alsace. Eh ben moi, je leur fais des gros bisous. Voilà. Je ne connais pas. Oui, mais c'est ça. Me demander en ami sur Facebook. Hein, si bah, sont, bien sûr, bah, je, écoute, voilà. On est une grande famille sur Facebook, hein, je dis toujours. Oui, c'est vrai. Il y a du monde de partout, mais... Mais c'est bien. C'est bien, c'est quand on utilise cet outil Facebook comme il faut, c'est vrai que c'est bien. Hein, c'est... Mm-hmm. Ouais. Donc voilà, alors oui, donc les vagabonds, hein, ça, c'est vrai que ça, ça fonctionnait bien, ça, les vagabonds. C'est dommage, je trouve qu'il n'y a plus de... Oh, comment je dirais ça, de ce style de chanteur, comme ça, un peu... oui, voilà. Il y avait les Forbans aussi, que j'aimais bien aussi. Bah, les Forbans, j'ai fait un Beaujolais avec Bébert, moi. Avec Bébert. D'accord. Avec Jean et Bébert. Avec Jean Renard et Bébert, on a fait un Beaujolais au Club 12 à Paris. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais. C'est sympa, c'est vrai que... Ouais, ça marchait sympa. Bien, ça, dans les années 80, tout ça, c'est, hein, ça tournait bien, ça. Carrément. Ouais. Carrément. Moi, je les reprends assez souvent... Dans mes spectacles, je les reprends assez souvent là parce que ça bouge, hein, y a rien à faire. Hein, ah bah bien sûr, oui. Et puis ça reste toujours quand même, hein, je dis les années 80, c'est quand même des chansons, voilà. Ouais, c'est indémodable. C'est indémodable, hein, ça reste dans les mémoires et tout, dans le patrimoine. Et alors à la même période, alors ça je ne l'ai pas mis sur mon CV, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à Bernard, j'ai complètement oublié, mais il va falloir que je répare un petit peu le truc. Oui. C'est qu'en fait j'ai composé aussi pour un humoriste, alors je ne sais pas si tu te rappelles Philippe Pujol. Mais écoute, j'ai lu, enfin si j'avais lu, je crois sur, j'avais vu Pujol, oui. Alors écoute, ça me dit quelque chose de nom, ouais. Mais alors il était recordman sur le livre des records, là, des bruits, des imitations, des animaux, il faisait le cri de Tarzan, il faisait la hyène rieuse, ça c'était son truc, moi à chaque fois ça me faisait mourir de rire. D'accord. La hyène rieuse, il faisait des spectacles d'humour. Ouais. Et donc c'est pareil, mon mari et Philippe Pujol et Francis Henriquel l'ont produit à une période, et donc je lui ai fait aussi une chanson qui s'appelait Jusqu'au petit matin. Oui. Et d'ailleurs, elle est sur Internet, hein, Philippe Pujol, Jusqu'au petit matin. Et on a réalisé un clip, hein, et on me voit sur le clip. D'accord. On faisait les clowns, en fait. Et c'était très sympa. Et dans les gens qui sont dans le public du clip, il y a Robert Quesnel, qui était l'ancien patron du... je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai des gros trous. Non, mais t'inquiète pas, tu sais, ça arrive. Le président aujourd'hui de La Roue Tourne, l'association La Roue Tourne, qui est une association d'aide aux artistes en difficulté. D'accord. Voilà. Ah. Et bon, nous, on est partenaires aussi. Et le président d'honneur, c'est Serge Lama. Ah ouais. Voilà, donc La Roue Tourne. D'accord. Et puis, il y avait aussi Silvio Bolligno, qui était le suiveur des Champs-Élysées. Avec son petit nez rouge qui emboîtait le pas des gens et tout. Les Champs-Élysées, c'est-à-dire... C'était le mime suiveur des Champs-Élysées. On le voyait à la télé, il emboîtait le pas derrière les gens, il les collait et il faisait le même pas et il avait un petit nez rouge. D'accord, mais c'est pas par rapport à l'émission de Drucker, non si. Bah, je sais pas trop, peut-être, hein, qu'il est passé sur Drucker, hein, j'en sais rien. Non, mais comme ça, je voyais pas. C'était le seul qui avait le droit de se produire sur les Champs-Élysées. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est voilà. Toute chose, alors, oui. Ouais. Mm-hmm. Et d'ailleurs, avec Philippe Pujol et avec Silvio Bolligno, on a participé à Fête de l'humour, alors Fête, F-A-I-T-E-S, de l'humour, oui, qui d'accord. Se faisait le 1er avril sur les Champs-Élysées. On a fait ça 2 années de suite, et on déambulait, on avait l'autorisation de déambuler et de chanter sur les Champs-Élysées. D'accord. Voilà, donc on a fait ça 2 années de suite avec eux. Ça serait peut-être plus possible aujourd'hui. Oh, je ne crois pas, avec tout ce qui se passe, on aurait du mal. Hein. Ça serait un petit peu difficile. Alors, Martine, oui. Maintenant on va écouter... une chanson, ouais. Voilà, amoureuse. Oui. Donc, alors c'est là, Véronique Sanson. Là, c'est Véronique Sanson. Oui, j'allais le préciser, bien sûr. Là, c'est sur donc une de tes interprétations de Véronique Sanson. Donc, on écoute Amoureuse. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais. Qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un mort. veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, oh, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour a un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, quand je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et je ne suis plus d'ici, oh non. La pluie d'une autre planète, d'une autre planète. Quand il me serre tout contre lui, quand je sens que j'entre dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sort. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage. Elle me force à parler son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour a un lendemain. Quand je suis loin de lui, oh, je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Voilà donc le titre Amoureuse interprété par Martine Over qui est sur notre antenne cet après-midi dans les années bonheur sur Radio Gomozo. Oui. Voilà. Alors tu sais Martine, moi j'ai de la chance. Ah bon, bah, vas-y. Oui, il faut que je fasse, je peux pas résister, Lou. Non, non, mais vas-y. Parce que tu vois, moi je change de technicien, technicienne, toi, de temps en temps, et puis là je retrouve ma collègue animatrice Lou. Oui. Avec un grand sourire derrière la glace, bon. Tu vois. Ça fait du bien, on n'a pas trop de soleil. Voilà, donc il y a Lou qui est avec moi maintenant. Soleil, non ? Pardon ? C'est mieux un sourire qu'un soleil. Ah ben un sourire, c'est bien, c'est magnifique un sourire. Ah, et oui. C'est mon mari qui vient d'arriver, du coup je me rappelle du nom de la chanteuse que j'ai croisée au concours Podium. Oui, ah oui. C'était Dani. Ah, Dani. Dani. Ah oui, ok, Dani, ça me dit quelque chose. Elle avait donc chanté. Ah oui, oui, ben, c'était une copine à Claude François, Dani. Carrément. Ah, ils étaient très amis. Et donc, c'est pareil. Et puis, elle a chanté aussi avec Dani. Elle a chanté avec oui. J'ai un trou aussi, moi, tu vois. Il vient d'arriver, il s'en mêle. Ah, c'est pas grave. Alors, bonjour à Bernard, c'est ça hein? Bernard, oui. Bonjour à Bernard, alors. Ok. Donc, nous en étions restés. Alors, oui, je voulais te poser une question, Martine. Oui. Par rapport donc à Michel Thor, donc oui. Véronique Sanson, enfin je sais pas si je... Quelle est l'artiste la plus facile à interpréter pour toi? Indéniablement Véronique Sanson. Oui, je me doutais un petit peu. Oui. Enfin, aujourd'hui ça va, hein, Michel Thor, ça va. Ah partie. oui, bien sûr. Mais, ouais, non, mais c'est un... on va parler technique, on chante complètement par le ventre, c'est que de la voix pleine. Oui. Michel Thor, hein. Et il y a l'enroulement des airs qui au départ j'arrivais pas à le faire, quoi. J'arrivais pas à le faire au départ. Et voilà. Donc c'est tout en puissance Michel Thor, alors que Véronique Sanson c'est voix pleine et voix de tête. Et pour moi, ça m'est plus facile. D'accord, d'accord. C'était plus facile, toi, Véronique Sanson. Puis bon, déjà, comme on disait tout à l'heure, hein, l'intonation dans ta voix quand tu, tu chantes, voilà, hein, y a déjà l'intonation aussi qui fait que... Je pense Oui, voilà. Mais bon, moi, je... C'est vrai que quand je rentre dans le personnage Michel Thor, bon, j'ai une préparation, je mets des lentilles, je me frise un peu les cheveux et tout, et bon, il y a le vêtement qui est en rapport aussi. Oui, bien sûr, je rentre complètement dans le personnage et je m'y sens vraiment bien. Hein, tu changes de look un petit peu, bien sûr, forcément. Ouais, complètement. Hein. Ah oui, oui, oui, bah oui, j'ai les vêtements qui en adéquation avec le personnage. Bah, c'est ni plus ni moins qu'une imitation. Hein, oui, bien sûr. Vrai. On ne cherche pas à remplacer l'artiste, hein, je précise quand même, entre guillemets. Oui, oui. Fois, nous, les sosies, on a tendance à les gens, ouais, mais il n'y en a qu'une. Bien sûr qu'il n'y en a qu'une. Bien sûr que Michel Thor, elle est inégalable et irremplaçable. Oui, oui. Bien sûr. Et moi, je suis la première des fans, alors faut pas me voilà. Là-dessus. Hein. Non, mais c'est bien les sosies vocaux. Enfin, officiels, vocaux, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi aussi, il faut dire. Hein. Ah, bah, y a des sosies, il y en a plein. C'est comme dans tous les métiers. Non, mais c'est vrai, on voit des fois, enfin, on a vu des fois des sosies, mais alors ils chantent pas du tout, ils font du playback. C'est n'importe quoi. On parlait de un petit peu de Claude François tout à l'heure. Oui. Je fais juste une petite aparté, j'ai vu dernièrement un sosie. Oui. Je sais même pas si on pourrait dire comme ça, parce que il s'appelle Rémi Bastien. Vous connaissez, d'accord, oui. Ok. Oui. Je l'ai invité d'ailleurs faire une émission. Ah, il y en a des très bons. Hein. Alors Rémi, mais alors c'est Rémi Bastien, c'est Bastien son prénom. Mm-hmm. Voilà. Donc je suis allé le voir dans une salle, voilà. Mais alors c'est formidable, quoi. Je veux dire, tant sur la voix, il parlait, chanter, les costumes, il y avait les Claudettes, bien sûr. Je veux dire, on ferme les yeux. On ferme les yeux, on repart dans les années 70, ouais, et on est avec Clo-Clo, quoi. Ouais. Ah, c'est vraiment... Alors là, franchement, c'est... Alors bon, c'est vrai que... Voilà, c'est... Là, c'est bien, quoi, je veux dire. C'est chouette, quoi, je veux dire. Et quand l'artiste n'est plus là, c'est toujours... C'est bien, quoi, je veux dire. Bon, il y en a qui critiquent, il y en a qui disent... Bon, oui, ils sont vraiment... Bon, c'est sûr, ça remplacera jamais le... Mais on ne cherche pas à remplacer. Voilà, tout à fait. À remplacer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont fans de ces artistes-là, des communes ou des municipalités ou même des gens, des particuliers, qui aimeraient avoir Michel Thor, mais qui n'ont pas les moyens, je veux dire, d'avoir Michel Thor. Oui, bien sûr. Et ça n'empêche pas qu'on est fan. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour elle. Elle s'est fait opérer aujourd'hui, hein, Michel Thor. D'accord, il me semble que j'avais vu sur... Bien, et ben, on l'embrasse très fort. D'accord, ok, ben voilà. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai, bon, comme tu dis, voilà, c'est vrai que bon, bah oui, tout le monde ne peut pas. Certaines peut-être associations qui voudraient faire des concerts n'ont pas l'argent nécessaire pour faire venir des. Exactement. Voilà, l'artiste vraiment là. Et les gens sont contents quand même de voir. Bon, je rebondirai un petit peu sur Johnny, par exemple. Ah, c'est pareil, Johnny, bon, il y en a plein. Il y en a de tout, mais... quand même, hein, ce sont tous des fans. Hein, ah, ce sont tous des fans, oui, bien sûr. Mais c'est pareil, bon, bah, j'en profite aussi pour saluer, parce que on connaît du monde. Bien sûr. Jean-Claude Bader, je ne sais pas si vous connaissez, Jean-Claude Bader qui chante Johnny. Il ne prend pas la voix de Johnny. Ah, mais alors, il fait une prestation, c'est formidable, quoi, je veux dire. Il met une ambiance, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps non plus. Je le salue s'il est à l'écoute. Et c'est formidable, quoi. Bah moi, je chante Johnny, j'ai pas la voix de Johnny, j'ai pas le physique non plus. Hein. Oui, pas ça. Si je chante du Johnny, j'adore ça. Hein. Bah oui, je me doute. Alors, Martine, avant de continuer, oui. On va s'écouter encore un petit air. Oui. Donc, enfin, j'ai choisi ce petit air de l'album Romance. Voilà, on écoute. Il me faudra bien revenir dans ce lieu. Où l'on parlait d'amour, où les échos de nos voix parcouraient ces campagnes de je t'aime. Et malgré toutes ces années, moi je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai gardé au fond de moi ce petit air tout bas. La, la, la, la, la, la, la, la, la, pour moi, rien n'a vraiment changé. Le printemps passe et puis l'été. Pourtant, il m'arrive de rêver parfois qu'à nouveau on s'aimera. Ce petit chemin, rappelle-toi, où nous nous retrouvions autrefois. Je t'y attendrai quand le soir viendra et j'écouterai ta voix. La la la la la la la la la. Toujours dans mon cœur fredonnait. Voilà, Martine, encore oui. Donc une chanson de cet album Romance. Oui. Voilà. Alors, j'en ai un autre d'album qui est en préparation, là. Ah, d'accord, ben, il faut tout nous dire. en fait, je vais me lancer dans des concerts dans les églises. Allô ? Oui, oui, oui, je suis là. Il y a eu un temps d'arrêt, là. Ah, oui, il y a eu un petit blanc. Non, parce que... Ah bah, ça surprend. Ma collègue non Lou bon. M'a porté un petit message. Voilà, je t'écoute. Oui. Oui, donc je vais me lancer, d'ailleurs j'en ai déjà fait un, concert dans l'église, donc forcément, faisant le sosie de Michel Thor, j'ai également les répertoires Michel Thor pour les églises. Ah oui, tout à fait. Hein. Et en même temps, je viens de faire l'Ave Maria de... Jean-Sébastien Bach, que j'ai mis sur mon Facebook d'ailleurs. On dit merci Bernard. Ah oui, merci, parce que moi je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai des trous de mémoire. De fou. Non, mais c'est pas grave, je sais pas si ça m'arrive aussi. Je suis impressionnée, mais. Mais oh, non, je vois bien. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc ça, celui-là il est en préparation. Ouais, d'accord. Ah, mm-hmm. Ça va être tout nouveau, tout beau, là, d'ici, je pense, 3-4 mois, ça devrait quand même. Il y a la Dadjo, il y a l'envie d'aimer, il y aura des surprises. Voilà. D'accord. Donc là, ça servait un petit peu plus dans le classique, je dirais. Enfin, ouais, un petit peu, ouais. Hein, c'est vrai. Et vocalement, moi, je suis contente parce que ça me fait hyper travailler et j'adore. Oui, bien sûr. Ça, j'adore. Oui, oui. Puis ouais. Ça doit être beau aussi de chanter dans les églises. Hein, allez voir sur mon Facebook, hein. Il y en a deux déjà qui ont été publiés. D'accord. Voilà, il faudra que. Alors, on les rappellera peut-être en fin d'émission, hein, bien sûr. Oui. Notamment déjà pour ton album de romance, on le trouve. Alors, c'est simple, on m'envoie un petit message sur mon Facebook par Messenger et ouais. On communique les sur le site. Sur j'ai un site, hein, www.martinover.com. D'accord. Et là, ils vont découvrir d'autres facettes parce qu'on n'a pas parlé de tout encore. Hein. Ok, oui, Eva. Alors, je fais juste une petite je fais une petite aparté, donc, hein, je veux dire... Je crois qu'il va falloir que je vienne vous voir. Hein. Ah bah oui, bien sûr, avec plaisir. On aura encore plein de choses à se dire. Carrément. Hein. Bien sûr, préparez-vous, oui. L'équipe, là. J'arrive Mais écoute, il n'y a pas de problème. Hein. J'aime bien quand ça se passe comme ça, dans la bonne humeur. Voilà, on est comme si on était chez soi, dans le salon. Voilà, on parle ensemble. Et puis, on partage tout ça avec les auditeurs et les auditrices, bien sûr. Hein, c'est formidable. Oui. Alors, je fais juste une petite aparté, Martine, si tu veux bien. Oui. Tout à l'heure, à 18h, donc, dans l'émission de mon ami Lou, oui. qui s'appelle « Dans l'heure des loups », elle reçoit donc un magique magicien folie. Bon, je me suis planté, je pense. Excuse-moi, Lou. Mais comment il fait ses tours sur la radio? Ça va être dur, non? Ah ben, il va venir parler donc, il va venir de parler de son métier, bien sûr, oui. Oui, c'est magique Silly, donc magicien folie, si je lis bien. Voilà. Folie. Oh, dans l'heure des loups ce soir. Choses. À partir de 18h, voilà. D'accord, bah j'écouterai. Et puis je profite aussi pour faire un petit coucou à mon ami Danny Blondeau. Ah, voilà, c'est fait. Bon, voilà. Voilà. Tu connais Danny Blondeau, c'est vieux. Hein. C'est vieux. Oh, c'est vieux. Jamais vieux, tu rigoles ou quoi? Non. Il connaît Bernard, vous connaissez? Il connaît, ouais. Ah là là, mais il ne faut pas dire ça parce qu'elle est souvent à l'écoute, hein, attention. Ouais, non. Danny, non, elle est très. De toute façon, il n'y a pas d'âge quand on chante. Pas exactement. Vrai, hein. Non, et puis elle écrit... Il n'y a pas d'âge, on a toujours la pêche. Bien sûr, puis elle écrit de belles chansons, Dani. Bah, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du cabaret, enfin du... Ah, voilà, tu vois, moi le aussi... Le troisième cabaret, voilà. Alors, le troisième cabaret, qui s'appelait l'Orangerie d'Aramis. Ouais. Nous y sommes restés 7 ans. Là, en revanche, on a recréé tout un spectacle, mais là, moi, j'ai pris des danseuses professionnelles ce coup-ci. Ah oui. Je suis allée chercher des danseuses sur Paris, vraiment le haut niveau, parce que ces danseuses-là, elles font aussi le paradis latin. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Ah c'est ouais, déjà, vraiment, déjà un grand niveau. On s'est liés d'amitié et on se quitte plus. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on a arrêté le cabaret en septembre 2015, parce que moi, je commençais à être trop fatiguée. On était fatigués, hein, l'un comme l'autre. Et puis, moi, j'aspirais à autre chose, hein, franchement. Ça fait du travail, hein, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce que déjà, ça devient de plus en plus dur, hein, faut pas se leurrer. Hein, et bien sûr. Tous les cabarets aujourd'hui souffrent. Hein, voilà. Donc, nous, on a décidé d'arrêter et de voguer un petit peu sur les routes. Mais en fait, ouais. On a gardé les mêmes artistes, donc on tourne toujours avec les mêmes danseuses. Oui, d'accord. Ouais. Et alors, on a une troupe qui s'appelle la troupe Aramis, dans laquelle on propose un spectacle Lido Plume. Hein, donc là, c'est vraiment la grande revue avec le Fred Chanton. Bien sûr, ouais. J'avais vu sur l'affiche. Ouais, tout ce qui va avec. Alors moi j'interviens en tant que chanteuse à l'intérieur, mais alors avec un répertoire qui est complètement encore différent, qui est complètement cabaret. Oui. Bon, j'ai fait ça pendant 20 ans, donc ça va, ça me perturbe pas trop. Hein. Lisa Minnelli. New York cabaret. Ah oui, bien sûr. Après je vais chercher des répertoires qui correspondent aussi à la tranche d'âge de la clientèle des cabarets, parce que bien souvent ce sont des groupes d'un troisième âge, on va dire. D'un âge certain. Il y en a pour tout le monde. Hein. Oui. Mais on démarre aussi avec, par exemple, le medley d'Alida. Moi, je fabrique beaucoup de medley. Hein. Je travaille beaucoup avec des medley. D'accord. Pour justement amener plein de souvenirs dans la tête des gens. Quoi, hein. Et puis tout le monde connaît, quoi, je veux dire. Tout bien sûr, oui. Voilà. Oui, il faut donc, quelque chose qui soit spécial au cabaret. C'est du Sardou, je fais, je ne sais même plus, il y en a toute une liste. Après, ça c'est Années 80 Cinéma, il anticipe. Hein. Alors après, j'ai un autre spectacle qui s'appelle Années 80 Cinéma. D'accord. Où là, moi j'interviens en tant que chanteuse, mais alors avec tous des tubes Années 80. Alors effectivement, il y a les Martin Circus, il y a les Rita Mitsouko, il y a Balavoine, il y a Goldman, France Gall, Johnny, Berger. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Je ne sais même plus. C'est peut-être, le mot n'est peut-être pas bon, mais il y a de la matière. Enfin, je veux dire, il y a de la matière. Et alors, les filles, les danseuses, elles, il y a de la matière aussi. Parce qu'elles font ce mec est too much, ce mec est trop. Ah oui, ok, ouais. Elles font Voulez-vous coucher avec moi? Elles font Rabbi Jacob. D'accord. Elles font le Moulin Rouge, le French Cancan, extrait du film Le Moulin Rouge. Alors là, c'est chaud. Les hommes dansent chaud. Attention Martine, on dévie un petit peu là. Non, non, je plaisante. Non, non, bah, le film Moulin Rouge, c'était Nicole Kidman qui avait joué là-dedans. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Hein, oui. C'est ça. Oui, alors, ce sont des danseuses qui vont vous traverser la salle avec la jambe en l'air, carrément, qui va s'accrocher au plafond, quoi. Hein. Enfin, d'accord. C'est impressionnant. Ouais. Et alors, elles vous descendent devant vous en grand écart, direct. D'accord. Quoi. C'est quand le prochain spectacle? Voilà des bonnes questions. Ah, voilà des bonnes questions. Alors, le spectacle revue que l'on fait pour la première fois en extérieur. Oui. Alors, c'est à marquer quand même, hein. On fait ça pour la commune de Passel, dans le 6400 à côté de Noyon. Oui, oh là, ça fait loin. Le 16 juin. Alors l'année dernière, on leur a fait Année 80 Cinéma, ils ont attiré plus de 3000 personnes. Alors cette année, ils disent, on ne sait pas comment on va faire avec les merguez. D'accord. Mais il faut venir dans les Vosges aussi. Ah, on est d'accord, appelez-nous, nous on vient. Hein. Bah oui, je sais, mais il faudrait que oui. Ça serait sympa. Hein. Alors, la semaine suivante, bon, moi je fais Véronique Sanson avec mon guitariste à Maubeuge, à Réquigny, à côté de Maubeuge, le 22. Oui. Le vendredi 22. Et le samedi, nous sommes à Cuise-la-Motte, dans l'Oise aussi, toujours en extérieur, avec le spectacle Année 80 Cinéma. D'accord. Ah, mais ça bouge bien dans l'Oise, hein, je trouve. Je trouve que ça bouge mieux chez vous. Moi, j'aime bien les régions du Nord, Nord-Est, tout ça, j'aime bien, moi. Ça sait s'amuser, là-bas. Ah oui, non, mais c'est sûr, oui. Si, après, si on va aussi du côté de... Ouais, de toute façon, oui, Nord-Est. Ouais. On est des bons vivants, comme on dit normalement. Ouais. Bon, je critique pas ma région, hein, parce que moi je sais que les gens. De toute façon, moi je m'amuse tout le temps. Hein. Je monte sur scène, pour moi c'est un plaisir. Oui. Si les gens réagissent, là on a fait un spectacle, c'était Bussy-le-Long, c'est ça? Bussy-le-Long, à côté de Soissons, les gens ils ont réagi, on s'est éclaté toute la soirée, quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que. C'est un partage. Hein, puis on dit des fois, c'est vrai qu'on dit parfois, nul n'est prophète en son pays. Oui. Ça arrive, hein, c'est vrai que, voilà quoi. Donc des fois. C'est vrai. Bah, c'est-à-dire que nous, on est connus régionalement. Oui. Par rapport au cabaret, mais dans le contexte cabaret. Dans le contexte cabaret, oui. Pas dans le contexte troupe extérieure, quoi. Oui, d'accord, ouais. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre, ouais. Wow. Ben, voilà de belles choses, Martine. Oui. Ah, plusieurs casquettes. Mais c'est ce qui est c'est vrai. Enfin, je veux dire, voilà, chanteuse, voilà, meneuse de revue, on peut dire comme ça aussi. Concernant les danseuses, c'est plus moi. Hein. Oui, d'accord. C'est qui dit ça? Faut être plus grande. Hein. D'accord. C'est trop performante pour moi. Hein. Moi, j'arrive pas. Hein. Ouais. Puis, c'est vrai que c'est pas évident de. Enfin, moi. C'est pas évident de rester les jambes écartées pendant en traversant la salle. Non, je leur fais une totale parce que. Si les auditeurs. Elles sont d'une troupe qui est oui. Une grosse troupe qui se présente sur les grosses salles. Hein. Ouais. Parce que de temps en temps, elles travaillent pour nous. Dans le contexte de mes spectacles à moi, mais moi, de temps en temps, ils m'appellent pour intervenir dans leurs spectacles à eux, et c'est vraiment, vraiment la grande revue. Hein. D'accord, mais à ce moment-là, toi, tu fais quoi, là, je veux dire, si tu interviens dans leur spectacle? Moi, je chante. Toi, tu chantes, voilà. Je danse toujours pas. Oui, oui. Non, mais alors, juste pour dire si nos auditeurs prennent l'antenne, à cette heure-ci, ils doivent se dire, mais de quoi ils parlent? Non, en fait, ils ont une très grosse revue, et ils font des très gros spectacles, à très gros budget, on va dire. Hein. Et là, ils ont besoin d'un chanteur ou d'une chanteuse pour intervenir entre les tableaux, pour pouvoir se changer, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Y a ils m'appellent. Du travail de ce côté-là aussi, bien sûr. Hein, ils m'appellent, et bah, là, on a fait Roubaix avec eux. Enfin, moi, je suis intervenue en tant que chanteuse dans leur spectacle à eux. Oui. À Roubaix, il y avait quand même 800 personnes. Hein. Ah oui, oui, c'est déjà important. On était sur scène une quinzaine. Oui, d'accord. Hein. 17. On était bien, nombreux, hein. C'est impressionnant. Moi, j'aime bien aussi hein, faire ça. Hein, oh bah bien sûr, ouais. Alors là, je deviens la petite chanteuse parmi les grandes danseuses. D'accord. Alors Martine, si tu veux bien, on va réécouter une chanson. Oui. Hein, alors, t'as choisi quoi cette fois? Pardon? T'as choisi quoi cette fois? Alors j'ai choisi Michel Thor. Ouais. Donc avec ce titre, Je m'appelle Michel. ben voilà. Voilà, on en reparle après. Ça marche, à tout à l'heure. À tout de suite. J'ai toujours les cheveux blonds et mes yeux bleus horizon. Je chante encore des chansons, voilà ma passion. J'aime les oiseaux et les fleurs. J'ai eu des peines de cœur, voilà mon erreur. Je prends la vie. Je m'appelle Michel. Non, c'est Martine. Mais non, non. Non. Pas encore. Non, mais c'est bien. Mm-hmm. Ouais. Donc, je veux dire, donc, sur une prestation, enfin, sur un concert de Michel Thor, tu fais Michel Thor ou Véronique Sanson, par exemple. Je sais pas, tu fais. Alors, je peux faire Michel Thor toute seule. Je fais 1h30, voire 2h, suivant ce qu'on me demande. Je peux tenir 2h. Hein, oui. J'ai ce qu'il faut. Véronique Sanson, c'est pareil. Maintenant, quelquefois, on me demande un mixte des deux. Ah oui. Donc, je peux faire une partie Véronique Sanson, une partie Michel Thor sans problème, avec une petite coupure entre deux pour me préparer, quoi. Oui, bien sûr, oui, oui. Ah oui, il faut, oui, pour changer un petit peu de costume. De casquette. De casquette, voilà. Voilà. Voilà, plusieurs casquettes, Martine. Hein. C'est bien, c'est dynamique. Hein, ça, moi, j'aime bien. C'est vrai, quoi. Alors, je lisais sur ta bio. Hein. Oui. C'est une boule de dynamisme et de partage avec son public qu'elle entraîne avec elle dans des chansons que tout le monde reprend. Oui. Ah, voilà, hein, c'est vrai. Oui, parce que ça, j'écoute mon mari qui m'a assez pris la tête au cabaret avec ça, parce que c'est vrai que les chanteurs, on aime bien se faire plaisir, on aime bien chanter des trucs qui nous plaisent. Oui. Mais il faut aussi que tout le monde le connaisse, quoi, sinon les gens ils s'ennuient. Hein, enfin, oui, oui, bien sûr. Il faut vraiment des standards, quoi. Ah, pour oui, les oui. entraîner avec nous, il n'y a que ça. Ah hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. C'est comme des artistes... Moi, je vois, j'ai reçu plusieurs artistes, hein, donc voilà, en funeur ou en live, qui ont des chansons, des compositions à eux, quoi. Mm-hmm. Et ils me disent tous, enfin beaucoup m'ont dit, qu'avant d'interpréter leur composition, ils sont obligés de passer par des standards, des chansons. Ils sont obligés. Moi, j'insère deux chansons de mon album dans le spectacle Michel Thor, pas plus. Hein. Oui, ouais, d'accord. Mais bon, il faut que les gens aussi sachent que on n'est pas que sosie, quoi, on est quand même nous-mêmes. Hein, oui, temps, mmh, hein, bien sûr. Ouais. Nous ne sommes que des sosies. Voilà. Donc, on a une autre facette de notre vie, on a quand même une personnalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se vendre, par exemple, je parle pour moi, hein, oui. Se vendre Martine Over, je vais pas me vendre du tout. Hein. Les gens ils vont dire, c'est qui celle-là? Oui. On la connaît pas. Mm-hmm. Je vais me vendre Martine Over, sosie Michel Thor, c'est pas pareil. Oui. Mmh. Bah, d'accord. Oui, ouais. Forcément. Ouais. Vous savez, il y a des moments où il faut arriver à, on va dire, vulgairement à manger, quoi. Hein. Oui, bon. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis, si on a cette chance, et cette faculté de savoir imiter, et ben voilà. Et en plus, on prend beaucoup de plaisir. Mais on a quand même, à un moment donné, le rappel de notre personnalité propre, quoi. Mmh, bien sûr, ouais. Mmh. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Alors, comme je disais en début d'émission, hein, j'ai plusieurs voix hein, aujourd'hui. Oui. C'est bien. Oui. Hein? Trois artistes en même temps. En fait, t'as de la chance, t'as plusieurs bonnes femmes en même temps. Oui. Bah, écoute, c'est rentable. C'est pas désagréable. Bernard, il dit c'est que du virtuel. Hein. Lui, il a la même tous les jours. Oui. Non, mais surtout que les temps derniers, j'avais peut-être fait un petit peu plus d'artistes hommes. Oui. Bon, voilà. Et là, c'est... C'est bien, hein, je dis pas. Ouais, mais de temps en temps. Je vous amène un peu de soleil, moi, dans la radio, là. Ah bah oui, tout à fait, Martine. Ah. Oui, mais là, c'est vraiment, enfin, c'est très agréable, je veux dire, de faire l'émission, parce que, voilà, il y a des fois, c'est pas évident, parce qu'il y a des personnes, voilà, ils n'ont pas le... Moi, je dis toujours, c'est le sourire dans la voix aussi, c'est vrai. Oui. Et il y a certaines personnes, bon, voilà, après, chacun sa personnalité, forcément, mais des fois, c'est pas évident pour l'animateur aussi, je veux dire, de faire une émission avec des personnes qui sont des fois un petit peu, qui parlent pas beaucoup. Ils n'osent peut-être pas, hein. Oui, il y en a certains. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. Non, puis je veux dire, bon, là, c'est vrai qu'il y a quand même, tu nous as expliqué quand même de... Un beau parcours. Oh, j'ai pas tout dit encore. Hein. Oui, on en fera une deuxième. on fera une deuxième en live. Oui, voilà, parce que j'ai pas tout dit. Hein. Oui. Non, oui. Ce qui est rigolo, c'est les anecdotes. Et c'est vrai que, bon, là, il m'en vient quelques-unes, mais il y en a certainement d'autres. Hein. Bon, oui, bien sûr. 20 ans de cabaret, 20 ans de loge avec des danseuses, avec des danseurs... dans, par exemple, une loge de 4 mètres carrés. Voilà, il y a plein de choses à raconter. Bah, c'est sûr, oui, hein? De belles choses et tout. Et puis, de belles rencontres aussi, quand même. Hein. Oui, a entendu, belles rencontres, tant sur le plan artiste, ou avec M. Jean Renard, dont on a parlé tout à l'heure. Hein, oui. Ça, c'est quand même des grandes personnes. Oui, on s'est retrouvés, oui. Oui, mais je veux pas dire de mal, mais c'est vrai que normalement on partageait la loge avec une artiste connue et elle nous a foutu dehors. Bon, ah mince. Bon, ça arrive. Ah, des choses qui arrivent. Bon, alors on ne dira pas qui, hein, d'accord, on se tait, on ne dira pas qui. Je ne dirai pas qui, mais moi je le sais. Hein. Oui, mais écoute, tu me le diras en aparté. Exactement. Hein, et je me suis retrouvée quelques années plus tard à la même table qu'elle. Ouais. Alors je dis, moi je me rappelle bien. Ah, non, je me rappelle pas. Ah, mais je dis, moi je me rappelle bien. Hein. D'accord. C'est sûr. Et on était avec les vagabonds ce soir-là, d'ailleurs. D'accord. C'est des choses qui arrivent. Moi, en tant qu'animateur, moi j'ai une artiste qui m'a planté aussi. C'est une femme qui ne boit pas. Oui, je disais en tant qu'animateur, moi j'ai une artiste qui m'a planté aussi, moi. Ah, bah voilà. Hein, deux fois. Deux fois, il y a eu un petit souci le premier coup, on s'est recontacté après. Bon, oui, je serai là. Enfin, C'était par téléphone. Ouais. Rien du tout. Allez, hop, planté. Oh, oui. Moi, hier, j'ai eu hier, vous avez un rendez-vous, il n'est pas venu. Non, mais je veux dire, c'est irrespectueux. Enfin, je veux dire, moi, je parle en tant qu'animateur. C'est irrespectueux de la part de l'artiste comme ça qui fait ça. Exactement. Pour les auditeurs, les auditrices. Aussi. Voilà quoi, je veux dire, voilà, j'avais fait les annonces, tout, c'était ok, j'ai qui avait confirmé de sa voix propre, de sa propre voix, je veux dire, et voilà quoi, bon, heureusement que c'est pas, c'est juste une minorité. Alors ce que je comprends pas dans ce genre de comportement, c'est que l'artiste a besoin des radios pour vivre. Ah oui, bien sûr, bah, tout à fait. De même que les radios ont besoin aussi des artistes, mais je veux dire que l'artiste par lui-même, s'il veut communiquer, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand-chose, hein ? C'est vrai que je le dis, je le dis souvent et on se répète un petit peu, c'est vrai, mais c'est vrai que les artistes aiment bien venir dans nos radios associatives, locales, pour parler de leur actualité musicale, c'est vrai, parce que bon, après, je veux dire, pour passer dans les radios nationales, c'est pas de... C'est pas de la tarte, hein. C'est pas de la tarte. Là, dernièrement, même pour des chanteurs, je dis pas ça, c'est pas péjoratif. Hein. Même pour des chanteurs qui sont connus, il y en a qui ont du mal, hein, même de passer sur les radios nationales. Hein. Mais carrément. Donc voilà. Et puis il y a une forte demande, hein, faut pas se leurrer. Bien sûr. Alors Martine, si tu veux bien, moi j'aimerais bien qu'on réécoute encore une chanson. Ouais. De Véronique Sanson, hein. Voilà, tu vois, j'avais un petit peu enchaîné une chanson d'album, une chanson de Michel Thor, une chanson de Frédéric, de Véronique. Frédéric François, non, non. Encore. Attends que j'ai ma voix qui mue encore. Ah oui. Donc oui, non, je disais une chanson de ton album, une chanson de Michel Thor, une chanson de Véronique Sanson. C'est pas bien de recevoir que des hommes, hein. Non mais aujourd'hui je suis gâté. Ça déforme un peu, hein. Oui, oui, c'est vrai. Alors on écoute... sur ce titre-là, sur une drôle de vie. Ça marche. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées plein la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène vers le tour de ma drôle de vie. On se verra tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras ? Et si tu me réponds, qu'est-ce que tu diras ? Si on parlait d'amour, qu'est-ce que tu dirais ? Si je sais que tu m'aimes, la vie que je mène au fond de moi me donne tous les emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres poèmes, tes autres poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras ? Et si tu me réponds, qu'est-ce que tu diras ? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras ? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous les emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Mais si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes autres poèmes, et viens avec moi. Si je sais que tu m'aimes, la vie que je mène au fond de moi me donne tous les emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, les autres poèmes, et viens avec moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voilà. C'est bien ça, sur une drôle de vie, hein, ça, oui, ça swing, oui, ça de... oui, oui. C'est bien. Hein. Et on était en train de discuter avec, avec Bernard, il y a plein de choses que j'ai pas racontées. Oui. Bon, oui, il y a plein de choses. J'ai rencontré Ijna, j'ai rencontré Annie Cordy, j'ai rencontré Annie Villard. Ouais, bah oui. Je pense que... Président de la SFP. Le président de la SFP, l'ex-président de la SFP, Eric Canabat. D'accord. Alors bon, ça, ben, on fera. Oh, il y en aurait des choses encore à raconter. Hein. On fera. Il faut qu'on cale une prochaine émission, enfin plus tard. Visiter un peu les Vosges. Hein. Bien sûr. Avec plaisir. Et puis voilà, venir nous voir dans nos studios, voilà. Et puis on fait une deuxième émission. Hein. On va. Je vais essayer de trouver un contrat par là. Ouais. Hein? D'accord. Et puis, je vais venir vous faire à tous un coucou. Ah bah, ça serait gentil et ça sera avec un grand plaisir. Alors, je profite, je dis tout vite, j'ai un petit message donc, de Lambert Privé qui écoute l'émission. Donc, alors, Lambert Privé, c'est aussi un magicien illusionniste. Voilà, que j'ai reçu, donc il écoute l'émission, parce que voilà, après, donc, je rappelle dans l'émission de Lou, tout à l'heure, il y aura un magicien qui sera présent. Voilà, donc on est dans la magie, puis d'un coup, hop, je viens de disparaître, moi, je suis plus là. Ah bon. Non, je plaisante. Alors Martine... Attention qu'il te coupe pas en deux. Oui, non, mais j'ai peur. donc je fais un petit bonjour à Lambert. Voilà, donc Martine, donc, il est 17h27, l'émission se termine, tout doucement. Alors, rapidement, les projets, donc un nouvel album en préparation. Exactement. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Les tournées qui continuent, c'est ça. Toujours, hein, voilà. Sur les routes. Sur les routes, voilà. Ouais, je vais un petit peu dans le nord, du côté de Berck, au mois d'août. C'est... Ouais. Oui, c'est ça, août. Juillet, je ne sais plus où je suis encore. Septembre, octobre, je suis dans l'Aisne un petit peu. Un petit peu dans ma région aussi, tiens. Un petit peu dans la région. Mais dans le nord, les gens sont super sympathiques. Hein. Eh ben ouais, moi je découvre ça. Ah, alors, c'est... j'ai eu l'occasion de visiter pour justement aider une radio associative. Oui. Une radio libre qui s'appelait Radio... je me rappelle. Radio Amitié. Non, c'était pas Radio Amitié. Enfin bref, et j'ai été... C'est le cousin de Madou. C'est le cousin, oui. Ah oui. Et dans l'établissement du cousin de Madou. Ah oui, le ranch, de Madou. Pour donner oui, un coup de main à une radio, justement. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ça fait la deuxième fois que je fais du bénévolat pour des radios. D'accord. S'il y a un problème quelque part, les artistes doivent être là pour aider les radios. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Hein, ça, c'est une bonne indication. Hein. On va noter ça, hein, Marc. Voilà. Après, on va noter. Une bonne bouffe. Non, je rigole. pourquoi pas. On va noter. Bon, Martine, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été présent sur nos ondes. Oui, moi, j'ai apprécié cet entretien et je te remercie aussi beaucoup pour l'accueil que j'ai eu. Je vais repréciser mon site, si tu me le permets. Mais je t'en prie, vas-y, oui, bien sûr. Donc, c'est www.martinover.com. Facebook, c'est Martinover, toujours, O-W-E-R. Alors, n'hésitez pas non plus, cher public, d'aller visiter toutes mes vidéos sur YouTube. Vous allez y passer un petit moment. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, je confirme. Je vous embrasse tous les auditeurs, les personnes qui ont suivi l'émission. Je t'embrasse moi, très fort. Et moi aussi, Martine, plein de gros bisous. Et puis, mes amitiés donc à Bernard. Hein, voilà, il est à côté, il entend. Voilà. Et puis la semaine prochaine, je vous ferai un coucou pour Mado. Nous, on sera en direct avec Mado, donc si tu veux téléphoner, passer un petit coup de fil, il n'y a pas de problème. Hein. Téléphoner, on sera en direct. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Martine, et puis bonne continuation pour la suite. Okay. Hein, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir, bye bye. Voilà, amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission donc est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Je pense que ça va être assez sympa la semaine prochaine. Merci, bye bye à tous. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah.